En partenariat avec le CFMI de Tours, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo présente les séquenzistes. Qu'est-ce que c'est beau l'art contemporain, non? Mais il joue vraiment ce qui est marqué quand même? Il se presse pour un rien, c'est terrible! Ah non, en fait. Ah si. Non, en fait, il prend son temps. Voire même trop de temps. Ah, mon œuvre, mon magnifique chef-d'œuvre, je me suis vraiment surpassé. Les critiques n'ont qu'à bien se tenir. Ces enchaînements perpétuels de notes, le mélange des nuances. Ah, que c'est beau! Remarquez cet homme qui tient fermement son instrument comme si sa vie en dépendait. Thank you. la qualité sonore de l'instrument se ressent au travers d'une multitude de hauteurs. Aussi nombreuses soient-elles. C'est beau l'art contemporain, non ? Mais je me demande vraiment s'il joue ce qui est marqué sur la partition. Thank you. Qu'est-ce que c'est beau !